بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala la lecture de cet épître du Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, donc concernant les signes distinctifs des gens de la sunna et du groupe. Alors le Cheikh Al-Fawzan rahimahullah, il dit: pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés Al-Jama'a? Pourquoi les gens de la sunna et du groupe, ils ont été appelés Al-Jama'a? Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que ce sont les gens de la sunna et du groupe. On a vu lors des cours précédents pourquoi on les appelle les gens de la sunna. Et donc maintenant, pourquoi on les appelle aussi les gens du groupe, la sunna et du groupe, Al-Jama'a? Il nous dit, rahimahullah, « Summu jama'a l'ijtima'ihim ala l'haqbi li anna min sifatihim wa simatihim ijtima'uhum ala l'haq. » Et donc, ils ont été appelés jama'a, donc le groupe, à cause du fait qu'ils s'unissent sur la vérité. Car il fait partie de leurs caractéristiques, de leurs attributs, le fait qu'ils se rassemblent sur la vérité. « La yuriduna lil-haqbi badilan » Ils ne veulent remplacer la vérité pour rien du tout. Allahu Akbar. Ils ne veulent remplacer la vérité pour rien. Par rien du tout. Tu peux venir avec de l'argent, avec ce que tu veux. Ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Fa yarji'una ila al-haqq idha ikhtalafu bi an yarji'u ila kitabillahi was-sunnati fayatabayyanu man huwa ala as-sawabi fayattabi'unahu. Et donc ils reviennent vers le livre et la sunna lorsqu'ils divergent. Et donc, à partir de là, il apparaîtra clairement lequel, donc, qui est sur la vérité. Et à ce moment-là, ils vont suivre celui qui est sur la vérité. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, « فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. » Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, donc si vous divergez dans quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah, renvoyez cette divergence à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ceci est meilleur, donc, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et aussi, les conséquences en sont meilleures. Na'am. Il dit, l'imam al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, fahum. Et donc ces gens-là, lorsqu'ils divergent, les gens de la sunna, quand ils divergent, ils ne font pas preuve d'orgueil. C'est-à-dire le fait de faire preuve d'orgueil, de ne pas suivre la vérité, mais de faire preuve d'orgueil et d'entêtement. Et donc ces gens-là ne font pas preuve d'orgueil ni d'entêtement. S'ils se trompent, ils disent qu'ils se sont trompés, ils reviennent vers la vérité. Et donc lorsque les gens font preuve d'orgueil, chacun va suivre aveuglément son avis, sa position. Bel innahum yurji'una khilafahum ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mais au contraire, les gens de la sunna, lorsqu'ils divergent, donc ils ne vont pas avoir d'orgueil et d'entêtement ni de suivi aveugle, mais ils renvoient leur divergence vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux gens de l'innovation, les gens de l'innovation et de la division, eux, ils vont suivre aveuglément leurs avis et donc et leurs opinions. Et c'est pour cela qu'ils sont appelés les gens de la division, les gens de l'innovation et de la division, parce que il y aura forcément beaucoup d'avis, beaucoup de dits, beaucoup d'opinions. Nous sommes des individus différents. Et donc chacun va avoir son avis, son opinion. Les gens de la raison, les gens de l'innovation vont, eux, suivre aveuglément les avis et les opinions. Par contre, les gens de la sunna, ils vont s'unir sur la vérité qu'il y a dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُطَابِقٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَخَذُوا بِهِ وَلَوْ كَانَ يُخَالِفُ أَقْوَالَهُمْ وَمَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَرَكُوهُ وَرَفَضُوهُ وَإِنْ كَانَ يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ وَهَذِهِ طَرِيقَتُهُمْ وَهَذَا مَنْهَجُهُمْ Masha'Allah. Et donc il nous dit, ce qui est en accord avec le livre et avec la sunna, ils le prennent. On prend ce qui est en accord avec le livre et la sunna. Même si, donc, cela contredit nos paroles. Tu dis quelque chose et tu vois qu'au final, donc, tu as autre chose dans le livre et la sunna. Tu as autre chose dans le livre et la sunna, ce qui est contraire à ta parole. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rejeter ta propre parole et revenir vers la vérité qui est dans le livre et la sunna. Et lorsqu'il voit donc que leur parole est contraire à ce qu'il y a dans le livre et la sunna, eh bien, ils la délaissent. Ils délaissent leur propre parole. Et donc, ils admettent leurs erreurs, les gens de la sunna, admettent leurs erreurs, ils ne font pas preuve d'orgueil. Allahu Akbar, quelle belle caractéristique! Quelle belle caractéristique, ils ne font pas preuve d'orgueil! Tu t'es trompé là? Ah bon? Comment ça je me suis trompé? Oh oui, tu as dit ça. Et Allah Azza wa Jalla, il dit le contraire. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit telle chose dans tel verset. Ah, sahih, khalas, je reviens. Astaghfirullah wa atubu ilayh. C'est ce qu'on voit chez les gens de la sunna. Tayyib, ensuite il dit le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit amma man la yarji'u ila kitab ila al-kitab wa as-sunnah wa yabqa ala ra'yihi wa ta'assubihi aw ma yukhattit lahu hizbuhu wa law khalafa al-haqqa aw ma tahwahu nafsuhu wa yad'i annahu ala manhajihim fa huwa ala ghayri manhaji ahli as-sunnati wal jama'a wa in idda'a annahu 'alayhi. Et donc il dit le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, par contre, ceux qui ne reviennent pas vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur divergence, mais par contre qui vont rester à suivre leur opinion avec suivi orgueil, avec suivi aveugle, excusez-moi, et qui vont suivre ce que leur hizb, ce que leur groupe, leur secte leur a préparé, même si cette chose est contraire à la vérité, ils vont suivre cela, ou alors ils vont suivre leur désir, leur passion. Et ces gens-là vont prétendre qu'ils sont sur la voie des gens de la sunna. Alors, en réalité, ils ne sont pas sur la voie des gens de la sunna et du groupe. Même s'ils prétendent cela. Et donc, ô chers frères, encore une fois, on le dit et on le répète. Ce ne sont pas les prétentions qui sont prises en compte. Je suis de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Je suis sur Ahlus Sunnah wal Jama'a. Je suis. Ce n'est pas ça qui est pris en compte. Tu peux dire 1000 fois je suis si tu veux. Tu peux le dire 1000 fois. Ce qui est pris en compte, c'est que tu le sois réellement. Combien nous disent qu'ils suivent la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a et que dans leurs actes, dans leurs croyances, ceci est totalement contraire. Et donc, il est important, aux chers frères, qu'on apprenne et qu'on suive la vérité et qu'on délaisse les prétentions sans preuve. Il continue le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, et il dit « لِأَنَّ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَاحِدَةٌ وَمُخَالِفُوهُمْ جَمَاعَاتٍ وَأَحْزَابٍ وليس المراد بالجماعة الكثرة وإنما المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا. Et donc il dit le Cheikh Al-Fawzan, et car les gens de la sunna et du groupe sont non car les gens de la sunna جماعه واحده لان اهل السنه جماعه واحده, car les gens de la sunna sont un seul groupe. Mais par contre, ceux qui s'opposent à eux sont nombreux, de nombreux groupes et de nombreuses sectes. Et donc, ce qui est voulu par le groupe, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le fait qu'eux, ils soient nombreux. Mais ce qui est voulu par Al-Jama'a, le groupe, c'est ceux qui sont sur la vérité, même si c'est une seule personne. Voilà ce qui est voulu par Al-Jama'a. Comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, al jama'a man kana ala al-haqq walau kunta wahdak. Al jama'a, le groupe, ce sont ceux qui sont sur la vérité, et même si tu es seul. Et donc il ne faut pas être leurré par les mouvements qu'il y a, et chaque jour ou chaque mois, un nouveau prédicateur, et un nouveau cheikh, et à chaque fois, de nouvelles idées. Et les gens, ils viennent avec des ambiguïtés, mais en fait, vous vous mettez en garde contre tout le monde. Il ne reste plus personne. Ya akhi, barakallahu fik. Premièrement, si tu vois qu'il y a une mise en garde, alors regarde quels sont les arguments. Ne regarde pas le nombre de mises en garde qu'il y a. Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui suivent des voies déviantes, il y aura forcément beaucoup de mises en garde. Et donc regarde la preuve de la mise en garde. Ensuite, ne sois pas leurré par le fait que les gens qui suivent la vérité soient peu nombreux, parce que, comme l'a dit Ibn Mas'ud, al jama'a man kana ala al-haqq walau kunta wahdak. Al jama'a, le groupe, ce sont ceux qui sont sur la vérité, même si tu es seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, que sa communauté va se diviser en 73 groupes, tous dans le feu, sauf un. Donc 72 groupes, c'est nombreux, c'est énorme, c'est beaucoup, à côté de un groupe. Donc ne sois pas leurré. Car la vérité, Al-Jama'a, n'est pas liée à un nombre. Et donc il continue le Cheikh Al-Fawzan, et il nous dit, فَإِنَّهُ هُوَ الْجَمَعَ. Et donc cette personne qui est seule sur la vérité, c'est elle qui est Al-Jama'a, le groupe. وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ. Et c'est cette personne-là, si elle est seule à être sur la vérité, qui va être أَهْلُ السُّنَّةِ. فَمَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ سَوَاءً كَانُوا قَلِيلِينَ أَوْ كَثِيرِينَ فَهُمُ الْجَمَعَ. Et donc ceux qui sont sur la vérité, peu importe qu'ils soient peu nombreux ou qu'ils soient nombreux, ce sont eux, Al-Jama'a. وَأَمَّا مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ كَانُوا كَثِيرِينَ. Par contre, ceux qui s'opposent au livre et à la sunna, et à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de cette communauté, alors ces gens-là ne sont pas, ils ne font pas partie du groupe Al-Jama'a, même si ils sont nombreux. Même s'ils sont nombreux. Voyez. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, wa in tutiya akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Et donc si tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que suivre les conjectures. Et donc ici, on voit clairement dans ce verset, barakallahu fikum, que « el-kethra mezmouma », le grand nombre est blâmable, ici. Ne sois donc pas leurré par le nombre, mais fais attention à la vérité des preuves. Fais très attention à cela. Et ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il aborde un sujet très important, et il nous dit « alamatu » Ahli sunnati wal jama'a, les signes des gens de la sunna et du groupe. Et donc il va ici citer deux signes. Il va ici citer deux signes qu'on va aborder, inshallah ta'ala, avant de voir les signes distinctifs de la voix des gens de la sunna. Donc d'abord on voit les signes des gens de la sunna, inshallah ta'ala. Il a cité deux signes. Il nous dit premièrement, el wasatiyya, le juste milieu. Ahlus sunnati wal jama'a humul firqatun najiya allati mayyazaha Allah min bainil firq. Wa li hadha yaqulu ba'dul ulama hadhihi al umma wasatun bainal umam. Et donc les gens de la sunna et du groupe, ce sont eux le groupe sauvé. Ce groupe qu'Allah tabaraka wa ta'ala a distingué des autres groupes. Et c'est pour cela que certains savants disent cette communauté est le juste milieu entre les communautés. Et comme Allah, donc puissant et exalté, a dit, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Et de la même manière, donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté wasata. Ce qui est voulu ici par wasata, c'est-à-dire une communauté juste et du juste milieu. Et donc les gens de la sunna ne sont pas dans l'exagération, ni la négligence, comme on a vu dans les cours précédents. Wa ahlu sunnati wal jama'a wasatun bayn al firaq al thalath wa al sab'in. Et donc les gens de la sunna et du groupe sont dans le juste milieu entre les 72 groupes. Ils sont dans le juste milieu. Donc dans les 72 groupes, il y a des groupes qui sont dans l'exagération, il y a des groupes qui sont dans la négligence, et il y a ahlu sunnati wal jama'a, le juste milieu. Le juste milieu, le seul groupe à être dans le juste milieu. فهم وسط بين الفرق من هذه الأمة حيث تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et donc ce sont eux qui sont dans le juste milieu parmi les gens de cette communauté, car ils se sont accrochés à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et donc, ô chers frères, méditez, barakallahu fikum, la religion musulmane est la religion du juste milieu. La religion musulmane est dans le juste milieu entre toutes les religions. Al-Islam wasatun bayna al-adyan. La religion musulmane est la religion du juste milieu entre toutes les religions. On va avoir certaines religions qui vont avoir des négligences sur certains sujets et d'autres qui vont avoir des exagérations dans les mêmes sujets. Et Ahlus Sunnati au juste milieu. On va avoir, par exemple, on va voir chez les chrétiens. On va voir chez les chrétiens le fait qu'ils vont se permettre, chez eux, il est permis, il est autorisé pour, chez eux, je dis bien, dans leur religion, pour eux, il est permis à l'homme d'avoir un rapport avec son épouse, alors qu'elle a ses menstrues. Ceci n'est pas une cause qui dérange lors d'un rapport pour la religion chrétienne. Pour la religion juive, donc à l'opposé, eux, ils vont faire preuve donc d'exagération et ils vont dire donc que l'homme ne peut pas rester dans son lit avec sa femme. Il ne peut pas rester dans son lit avec sa femme pendant qu'elle a ses menstrue. Il ne peut pas manger avec elle pendant qu'elle a ses menstrues. Et la religion musulmane qui va permettre à l'homme, dans le juste milieu, la religion musulmane va permettre à l'homme donc de pouvoir rester dans son lit avec sa femme, de pouvoir manger avec sa femme, de passer un bon moment avec sa femme, de pouvoir même embrasser sa femme et faire tout ce qu'il désire avec son épouse, sauf le rapport. Et donc la religion musulmane va être dans le juste milieu. Et ici, ceci est un sujet, il y a énormément de sujets. Nous allons avoir la religion chrétienne où les chrétiens vont s'autoriser et énormément de nourriture, le porc et d'autres. On va avoir de l'autre côté la religion juive où ils vont interdire énormément de nourriture. Les fruits de mer et autres. Et on va avoir la religion musulmane dans le juste milieu. La religion musulmane qui permet à l'homme de manger tout ce qu'Allah lui a rendu licite. Et qui lui interdit la viande de porc et ce qui a été, et ce sur lequel le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas été prononcé. Et donc la religion musulmane est la religion du juste milieu. De la même manière, les gens de la sunna et du groupe sont dans le juste milieu. Comme on voit l'islam étant dans le juste milieu entre les religions, on va voir la sunna être dans le juste milieu entre les groupes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et donc, parmi les signes des gens de la sunna, nous avons al-wasatiyya, le juste milieu. Et aussi parmi leurs caractéristiques, parmi leurs signes, nous avons as-sabru was-thabat. As-sabru was-thabat. L'endurance et la fermeté. L'endurance et la fermeté. Les gens de la sunna, ils endurent dans la difficulté. Ils patientent et restent fermes sur la vérité. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, Ahlus sunnati wal jama'a, Ahlus sabrin wa thabatin, La yatazazza'ouna amma kana alihi Rasulullah, Sallallahu alihi wa sallam wa ashabuhu. Les gens de la sunna et du groupe sont des gens qui ont de l'endurance et de la fermeté. Ils ne lâchent pas et ne dévient pas de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Walihada qala sallallahu alayhi wa sallam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihinna mithlu qabdin al-qabdi ala al-jamr. Et donc, et c'est pour cela qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura derrière vous, c'est-à-dire il y aura donc dans le futur, il s'adresse à ses compagnons, des jours durant lesquels l'endurance et la patience sera comme le fait de prendre et de saisir une braise de feu. لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ. La personne qui accomplira des bonnes œuvres durant cette période, elle aura la récompense donc de 50 hommes qui accomplissent vos œuvres. La récompense de 50 compagnons. Tellement c'est difficile de suivre la sunna. Lorsque tu suis la sunna, que tu appliques la sunna, tu dois patienter parce que c'est comme si tu saisis une braise de feu dans ta main. Et donc tu ne dois pas la lâcher. Mais ça te brûle, c'est difficile. Et donc, cela demande une patience extrême, l'endurance extrême, une fermeté, une détermination. Qila ya Rasulallah, ajru khamsina rajulan minna ou minhum. Il fut dit, ô messager d'Allah, la récompense de 50 hommes parmi nous, les compagnons, ou 50 hommes parmi eux. Qala bal ajru khamsina rajulan minkum. Il a dit, la récompense de 50 hommes parmi vous. Comme est grande cette récompense. Comme est grande cette récompense. Ya Jama'a, rien ne vaut le fait de rester ferme sur la vérité. Vous comprenez pourquoi les gens de la Sunna ne veulent remplacer la vérité par rien au monde. Ils veulent cette grande récompense. Même si c'est difficile, tout le monde les regarde. Regarde-les avec leur barbe, avec leur camis. Il y a des journaux là, télévisés qui ont parlé de personnes qui font leurs 5 prières à la mosquée, ils ont la barbe, un camis qui est au-dessus des chevilles, etc. Ça, c'est des signes d'islamistes. Les gens parlent et les critiquent. Hein? Vous êtes des arriérés, des islamistes, intégristes, istes et istes encore. Et donc, ils se font critiquer, mais patientent. Et ne font pas injustice aux gens, malgré le fait que les gens leur font des injustices. Regardez comment ils patientent. Parce que parfois, certains vont penser qu'ils patientent. Ils pensent qu'ils patientent, et ils répondent au mal par le mal. Ils vont faire des injustices. Il n'a pas patienté correctement. Il faut qu'il apprenne ce que c'est que « sobrun jamil », une belle patience. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne. Hein? Comme a patienté Yaqub, sabrun jamilun. Et donc les gens de la sunna, parmi leurs caractéristiques, ils ont cela, l'endurance. Fel mutamassiku, il dit le Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Fel mutamassiku, bi sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, yakunu lahu ajru khamsin, li shiddati ma yalqa min al-anat wal lawmi. والتهديد والتوبيخ والتعيير والتنقيص مع قلة الأنصار والأعوان وكثرة الأعداء والمخذلين. Ceux qui sont accrochés à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui s'accroche à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il aura la récompense de 50, c'est-à-dire 50 compagnons. Et ceci, tout cela est dû à la difficulté qu'ils rencontrent dans le fait de se faire blâmer, menacer, critiquer, donc rabaisser. Et le peu de personnes qui vont le secourir, le peu de personnes qui vont l'aider, et le grand nombre d'ennemis, et le grand nombre de personnes qui vont l'abandonner. C'est pour cela qu'il a la récompense de 50, de 50 parmi les compagnons. Alors, ô chers frères et sœurs, vous qui entendez ce message, patientez, endurez, laissez les gens parler, vous critiquer, menacer, on va vous faire ci, ça, ça. Restez juste et droit. Ne faites injustice à qui que ce soit et restez ferme sur la vérité. Ne changez pas la vérité pour quoi que ce soit, pour les délices de ce bas monde. Fais la bouddha mine sobri ala manhaji salafi salih. Et donc il est impératif de patienter sur la voie des pieux prédécesseurs. Mahmana lana min fisabili dhalika min lam illaimin. Peu importe les blâmes que les gens vont nous faire. Au mahu ashad min al-lam, ou ce que les gens peuvent nous faire qui est plus dur que le blâme. Min at-tahdidat, parmi les menaces, au ghaibi dhalik, ou autre que cela. Wali hadha qala sallallahu alayhi wa sallam. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فتوبى للغرباء. Et c'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé étranger, ou non, l'islam a commencé en étant étranger et reviendra étranger. Alors annoncez la bonne nouvelle, bonne nouvelle aux étrangers. قيل يا رسول الله ومن الغرباء. Il fut dit: ô messager d'Allah, qui sont les étrangers? الذين يصلحون اذا فسد الناس. وفي روايه الذين يصلحون ما افسد الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: les étrangers, ce sont ceux qui gardent la piété, qui restent pieux et qui corrigent alors que les gens sont devenus corrompus. Dans une narration, ce sont ceux qui corrigent et qui rectifient ce que les gens ont rendu corrompu. Ces gens-là, ce sont eux les étrangers parmi les gens. Et donc, leur fermeté sur la voie, c'est-à-dire sur la voie de vérité, nécessite de l'endurance. Et cela nécessite le fait d'espérer la récompense venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faqalilun man yathbutu ala dhalika illa man waffaqahu Allah. Et donc peu nombreux sont ceux qui restent fermes sur cela, sauf ceux à qui Allah a accordé la réussite. Wa li hadha al manhaj ma'alim ay alamat yu'rafu biha wa yu'rafu biha ahluhu. Et certes, ce manhaj, cette voie, la voie des gens de la sunna, a des signes distinctifs, et c'est avec ces signes que on reconnaît ses adeptes. Et ensuite, après cela, l'auteur commence à citer les signes distinctifs de la voie des gens de la sunna et du groupe, et c'est ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala, waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.